Chapitre 24e, les préparatifs. Le baron de Lavernay, après le départ de la duchesse de Valambreuse, s'assit tout pensif. « Quel homme que cette femme-là, se dit-il. Elle n'est point faite de chair et d'os, mais de fer ou d'airain. Ce n'est point dans notre siècle abattardi qu'elle aurait dû naître, mais dans les temps antiques. Sous les Tarquins, elle eût été à l'occasion la digne émule de Lucrèce. Sous la République romaine, les Gracques ne l'auraient point désavouée pour leur mère Cornélie. Sous l'empereur Vespasien, elle eût été Éponine, à des époques plus rapprochées. » Il s'arrêta au beau milieu de ces évocations historiques rétrospectives, rappelées à sa situation par le souvenir de la promesse qu'il avait faite à Madame de Valambreuse. Il se leva, sortit de sa chambre, et monta à pas de loup dans les combles du château. C'était là, en effet, qu'il pouvait se procurer les objets nécessaires à l'accomplissement de son œuvre d'expiation. Il lui fallait d'abord une corde assez longue et assez forte pour opérer sa descente sur la galerie suspendue au-dessus de l'abîme, puis des limes afin de scier deux des consoles de fer qui soutenaient le plancher de cette galerie et une lanterne sourde pour l'éclairer dans sa sinistre besogne. Il trouva sans peine la lanterne, des limes de fabrique anglaise et plusieurs cordes qui remplissaient les conditions exigées de solidité. Ces cordes, d'un tissu resserré, avaient 1 centimètre de diamètre. Mais, si longues qu'elles fussent, chacune d'elles était trop courte pour atteindre du sommet des rochers à la galerie du fier. Il les noua les unes aux autres, puis, d'espace en espace, il fit de nouveaux nœuds, afin de rendre plus facile et moins périlleuse sa descente vertigineuse. « Est-ce bien tout ?» se dit-il. « Il me semble que j'oublie quelque chose. » « Oui, oui, je sais. » Et il se fabriqua, avec une sangle et 2 crochets de fer, une ceinture à peu près semblable à celle dont se servent les couvreurs dans leurs travaux aériens. Cela fait, il rentra dans sa chambre, mit la corde, les limes, la ceinture et la lanterne sourde dans une vaste gibecière qui lui tenait lieu de valise lorsqu'il devait passer plusieurs jours à la chasse. En ce moment, Martin Thibault vint lui annoncer que le repas du soir était servi. « On se mette à table sans moi, » répondit-il, « je ne souperai pas. »« Monsieur le baron ne soupe pas. Monsieur Maurice n'a pas faim. Madame la duchesse s'est claquemurée chez elle. » Reprit mélancoliquement Martin. « Alors je souperai donc seul. » Puis apercevant la gypsière sur un fauteuil, « Monsieur le baron va sortir. »« J'ai affaire à Annecy, » dit monsieur de Lavernay. « Faut-il atteler la carriole de monsieur le baron ?»« Non. » »« Monsieur le baron compte-t-il rentrer tard ?»« Je ne sais pas. » Dois-je attendre le retour de monsieur le baron? Inutile. Lorsque Martin Thibault fut parti, le vieux gentilhomme descendit à l'écurie, prit un cheval, l'enfourcha après avoir attaché sa gypsière à la selle de sa monture et sortit du château. « Bon voyage, monsieur le baron !» lui cria Martin en refermant la porte. « Triple animal !» grommela son maître en s'éloignant. « Je vais préparer les bois qui m'ouvriront demain les portes de l'éternité. » Et il me hurle aux oreilles « Bon voyage !» Magnifique était la soirée. La lune montait comme un globe de feu dans le ciel et éclairait le paysage accidenté qui, à droite et à gauche, se déroulait à perte de vue. Les hautes montagnes profilaient leurs grandes ombres noirâtres sur les campagnes désertes. De temps à autre partait du creux d'un arbre, comme un lugubre présage, le cri plaintif du hibou. « Maudit oiseau !» pensait le baron. « On dirait qu'il chante dans des profundis sur mon passage. » Et il poursuivit sa route, semblable à un fantôme. Le dernier coup de 9 heures sonnait à l'horloge de la vieille église de Rumilly lorsqu'il traversa ce chef-lieu de canton. Quoique l'air fût tiède, M. de Lavernay grelottait comme s'il voyageait par une de ces rudes soirées d'hiver alpestre. Il éprouvait le besoin de se réchauffer. Quelques cafés étaient encore ouverts. Il entra dans l'un d'eux, demanda une bouteille de vieux cognac, du sucre et les ingrédients nécessaires à la confection d'un de ces ponches dont les vrais chasseurs seuls possèdent le secret. Il versa dans un grand bol de porcelaine la moitié du contenu de la bouteille, et pendant que l'alcool mêlé au sucre brûlait, il tira de sa poche une pipe en racine de bruyère, la bourra et l'alluma. Quelques habitués de l'endroit faisaient leur partie de bésigue. Ils saluèrent le vieux gentilhomme à son entrée, mais sa physionomie ordinairement si ouverte avait ce soir-là une expression si sombre que pas l'un d'eux n'osa lui adresser la parole. « Le baron est triste aujourd'hui comme un jour de pluie. » dit tout bas le secrétaire de la mairie au maître d'école avec lequel il jouait. « Il y a bien de quoi, » répondit ce dernier également à voix basse. « Il a enterré sa sœur ce matin. »« Une drôle de mort tout de même, » repartit le secrétaire. Moi, je parierais 100 sous contre 50 centimes que cette pauvre Brigitte est innocente comme l'agneau qui vient de naître. Mais alors, quel serait le coupable? Cela, voyez-vous, c'est la bouteille à encre, et l'on ne verra jamais bien clair dans cette affaire-là. Ce court entretien, que le baron ne pouvait entendre, résumait d'une manière exacte le courant de l'opinion publique. Dans le premier moment, la culpabilité de la vieille servante n'avait pas été mise en doute. Mais la réflexion était venue, les premières impressions s'étaient modifiées, et Brigitte comptait présentement plus de défenseurs que d'accusateurs. Lorsque M. Lavernet eut vidé jusqu'à la dernière goutte son bol de punch et qu'il se sentit complètement réchauffé, il se remit en route. Le chemin qu'il avait pris longeait les gorges du Fier. Les eaux du torrent avaient, à ce moment de la nuit, un double aspect également saisissant. En certains endroits, elles étincelaient à la clarté des étoiles, comme de l'argent en fusion. Plus loin, elles roulaient toutes noires, comme pour cacher au regard les profondeurs de leurs abîmes. Mais ce qui surtout impressionnait, c'était le bruit tantôt sourd, tantôt éclatant de ces eaux éternellement agitées. Le vieux gentilhomme tressaillit en songeant que le lendemain, elle lui servirait de tombeau. Il arriva à 10 heures à cette partie des gorges qu'on nomme le Dôme. Là, le torrent est traversé par un pont suspendu très étroit. Monsieur de Lavernay passa le pont, attacha son cheval à un arbre, prit sa gypsière, en tira la corde à nœud, la lia solidement à l'un des vieux chênes qui avait poussé au-dessus du gouffre dans les fissures des rochers, puis, la prenant à deux mains, il se laissa glisser dans le vide. Quelques minutes plus tard, il atteignait la galerie construite sur les parois de la roche à pic. Il avait bien pris toutes ses mesures. La corde dépassait d'un mètre la galerie sur laquelle il venait de descendre. Il s'arrêta un moment pour reprendre haleine. Ensuite, il prit la lanterne sourde, les limes, boucla sa ceinture autour de ses reins, attacha les crochets à une console, alluma sa lanterne et il se suspendit de nouveau à l'aide de sa corde à nœud au-dessus de l'abîme. Il ne lui restait plus qu'à se mettre à l'œuvre. Il attaqua successivement les deux consoles qui soutenaient la partie de la galerie qu'il avait choisie pour se lancer dans la mort avec la duchesse de Valambreuse. Malgré le froid qui montait des profondeurs du torrent, il était tout trempé de sueur. Il avait la fièvre. Sa sinistre besogne dura de grandes heures. Lorsqu'il eut scié les deux supports, il regagna la galerie, posa un pied sur les planchettes qui n'étaient plus soutenues par leur armature de fer, et elles fléchirent sous la pression. « La duchesse sera contente !» se dit-il avec un sourire amer. « Les portes qu'elle a choisies pour aller à la mort sont ouvertes !» Il remonta, toujours à l'aide de sa corde, sur le sommet de la roche à pic, détacha son cheval et le mit au pas jusqu'au bas de la montagne. Parvenu là, il lui enfonça ses éperons dans les flancs et le lança au grand galop, comme s'il voulait, par la rapidité de sa course, s'étourdir sur l'horreur de sa situation. Il était 2 heures du matin lorsqu'il rentra au château. Une fenêtre était encore ouverte. C'était celle de Madame de Valambreuse. Elle fait, pensa-t-il, sa veillée mortuaire. Un moment, il eut l'intention d'aller lui annoncer qu'il avait fidèlement suivi ses instructions. Mais il renonça bientôt à cette idée. « Nous aurons le temps de parler de cela demain matin, » se dit-il, et il entra chez lui. Là, il se prit à réfléchir à sa mort terrible du lendemain. Il revit en imagination le gouffre au fond duquel il disparaîtrait dans quelques heures. Alors il fut pris d'une de ces terreurs sans nom qui rendent fou et poussent aux résolutions fatales. « Pourquoi, » murmura-t-il, « attendre jusqu'à demain? Pourquoi ne pas en finir tout de suite? Une balle dans la tête, c'est si vite fait !» Machinalement, il alla prendre une botte à pistolet, l'ouvrit, chargea un pistolet et l'amorça. Une énergique résolution se lisait dans ses regards. Il arma le pistolet et le plaça à la hauteur de sa tempe. Il allait presser la détente lorsque la porte de sa chambre s'ouvrit. La duchesse était devant lui. D'un coup d'œil, elle comprit. « Lâche, lâche !» dit-elle en le rejoignant. « Vous avez décidé que je devais mourir, » répondit-il. Tous les chemins qui conduisent au néant ne sont-ils pas également bons? Malheureux! Mais encore une fois, si l'on pouvait supposer que vous êtes donné volontairement la mort, il n'y aurait qu'une voie pour rejeter à la face le meurtre de votre sœur, et votre infamie retomberait sur la tête de votre fils. Je l'avais oublié, répondit Monsieur de Lavernay. Puis, replaçant dans la boîte le pistolet qu'il tenait à la main, et tendant la boîte à la duchesse de Valambreuse, prenez ces armes, madame. « Car peut-être me laisserais-je tenter de nouveau si je les gardais. À la bonne heure !» dit madame de Vallombreuse. Voici qui rachète un moment de défaillance. » Elle prit la boîte à pistolet et sortit de la chambre du baron. Nous allons quitter de nouveau le château des Abîmes pour retourner au village de Saint-André. Flavien Morin, depuis le duel proposé par John Colfax et accepté par le jeune duc de Vallombreuse, était en proie à une épouvante sans nom. Elle portait une affection sans borne à cet énergique industriel, enfant de ses œuvres, qui un jour lui avait tendu la main et plus tard l'avait appelée sa fille. La pensée qu'il pouvait mourir, et mourir à cause d'elle, la rendait presque folle. Le matin du jour où devait avoir lieu la rencontre, elle l'avait supplié, les mains jointes et à genoux, de renoncer à ce duel. Mais son père adoptif, pour la première fois, s'était montré inébranlable. Sir John appartenait à cette race héroïque de commerçants qui se font sauter la cervelle plutôt que de laisser protester leur signature. Et pour lui, une parole donnée équivalait à une signature. Il avait répondu à Flavia qu'ayant donné sa parole, dût-il mourir, il ne manquerait pas cet engagement d'honneur. Cela dit, il rentra dans sa chambre et ferma la porte à double tour afin de n'être point dérangé pendant qu'il ferait ses dispositions dernières. Ce fut en ce moment que Maxou, fidèle à la promesse qu'il avait faite au vicomte Kerlusset, arriva au chalet. Il tomba Flavia, abîmée dans une de ces douleurs qui peuvent faire craindre pour la raison. « Ah, c'est le ciel qui vous envoie, et vous serez notre sauveur à tous » s'écria-t-elle en courant vers le jeune avocat. Elle lui raconte alors ce qui s'était passé la veille entre Colfax et Octave de Vallombreuse. « À tout prix, il faut empêcher cet horrible duel » dit-elle en terminant. « Mon ami, voyez ce jeune homme. Dites-lui que s'il renonce à se battre avec mon père, je renoncerai à ma vengeance. » « Attendez, attendez » continua-t-elle. « Il ne me connaît que par la haine que j'ai vouée à sa famille. Et peut-être, supposerait-il, qu'en voulant empêcher ce duel, je ne cherche qu'à gagner du temps pour le frapper plus sûrement lui et les siens. Attendez, je vais vous remettre quelque chose qui le forcera à me croire. » Elle traça la hâte quelques lignes d'une main fiévreuse. « Portez-lui cette lettre, » dit-elle en tendant le papier à maître Maxou. « J'ignore en quel endroit du village il s'est arrêté avec M. de Kerlusset, mais il vous sera facile de le savoir. Allez, courez et revenez vite, car jusqu'à votre retour, j'endurerai 1000 morts. » Maxou prit la lettre et s'élança hors du chalet. Le même jour, à la même heure, il était 6 heures du matin, M. de Kerlusset fut réveillé en sursaut par le bruit d'une fenêtre qu'on fermait dans la chambre d'auberge contiguë à la sienne. Cette chambre était celle du jeune duc de Vallombreuse, et la première pensée d'Amaury fut qu'Octave se trouvait peut-être indisposé. Il s'habilla en toute hâte et entra chez Octave. Celui-ci, assis devant une table, écrivait. En voyant entrer Kerlusset, il repoussa vivement le papier sur lequel il avait au bas de quelques mots apposé sa signature. « Tiens, vous écriviez ?» lui demanda le vicomte surpris. « Une lettre à un ami, » dit le jeune duc avec un visible embarras qui n'échappa point à M. de Kerlusset. « Vous l'achèverez là-bas. « Au château de la Vernay, » reprit Amaury, « car je viens vous chercher, nous allons partir. »« Déjà ?»« Sans doute. Rien ne nous retient plus ici, puisque Mademoiselle Morin cédant, m'avez-vous dit hier, au sage conseil de Sir Colfax, renonce à ses projets de vengeance. Dès lors, et plus que moi, il doit vous tarder d'annoncer cette nouvelle inespérée à la duchesse. »« Assurément, mais quoi ?»« Une excursion que je voulais faire au Semnose, vous la ferez une autre fois. »« C'est que... je ne devais pas y aller seul. J'avais promis. » Le vicomte venait d'apercevoir deux revolvers sur la commode d'Octave. Il eut comme une divination instantanée. « Vous avez promis à Colfax de vous battre ce matin avec lui ?» interrompit-il. « C'est bien cela, n'est-ce pas ?» Le jeune duc essaya de nier, mais toutes ses dénégations tombèrent d'elles-mêmes lorsque Kerlusset, qui s'était approché de la table, eut lu sur le papier ce qui suit. « J'étais ruiné, las de la vie, et je me suis tué. » Octave de Vallombreuse. Eh bien ? Fit Kerlusset, devenu tout pâle. Eh bien oui, répondit Octave. Oui, je vais me battre avec Colfax. Un duel à mort. 2 pistolets et 1 balle dans un seul. Mais ce n'est plus un duel, s'écria Maury. C'est un assassinat. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est Colfax. Ah, je les reconnais bien là, ces enragés américains, dit Kerlusset en frappant sur la table. Ici, chez nous, il leur est interdit de se battre à la carabine et ils prennent un équivalent. Et vous avez accepté? À moins de passer pour un lâche, pouvais-je refuser? Non, non. Cet épouvantable duel n'aura pas lieu. de ce pas. Je vais trouver Colfax, et s'il ne veut pas se rendre à mes raisons, eh bien... « Allez, libre à vous !» interrompit le jeune duc. « Et lorsque vous reviendrez ici, je me ferai sauter la cervelle pour me soustraire à la honte dont vous voulez me couvrir. » Le vicomte, atterré, recula. « Enfin, je puis mettre la main sur vous !» dit Maître Maxou en faisant irruption dans la chambre, puis tendant la main à Kerlusset. « Ma présence en ce pays aurait été plus utile que je ne l'avais supposé tout d'abord. »« Comment cela ?» reprit Amaury. « Oui, tout est arrangé. » Flavia retourne en Amérique et il m'envoie auprès de vous, monsieur le duc, avec une branche d'olivier à la main. Par conséquent, plus de duel, plus de vengeance, la paix est signée. Fort bien, répondit Octave, mais qui me prouve la sincérité des promesses de mademoiselle Morin. Lisez ceci, repartit l'avocat en souriant, et fussiez-vous saint Thomas en personne qu'il ne vous serait plus permis de douter d'elle. Il remit la lettre de Flavia au jeune duc. Voici ce que contenait cette lettre. Monsieur le duc, devant Dieu, je fais le serment d'oublier mes projets de vengeance à la condition formelle que vous ne vous battrez point avec Sir John Colfax. Votre honneur ne saurait être atteint en renonçant à ce duel, puisque la satisfaction que vous exigez et que je vous donne le rend désormais inutile. Demain, j'aurai quitté ce pays et sous 8 jours, j'aurai dit un adieu éternel à la France. Signé Flavia Morin. Oh, merci, merci, dit Kerlusset. En serrant avec effusion la main de Maître Maxou. Je puis donc, monsieur le duc, aller annoncer à Miss Colfax que ce duel n'aura pas lieu, reprit l'avocat. Oui, monsieur, répondit Octave, et permettez-moi, à mon tour, de vous serrer la main pour ma mère et pour moi. De grand cœur, fit Maxou en tendant la main au jeune duc. Puis il prit congé des deux amis. Tout est bien qui finit bien, comme dit le vieux Shakespeare, dit monsieur de Kerlusset à Octave. Maintenant, commandons notre déjeuner et ensuite nous nous mettrons en route.